Bonjour, ici Claude Blackbelair. Nous sommes aujourd'hui le 19 mai. Marion Le Pennec me reçoit chez elle, sur les berges de la rivière Doray, dans le Morbihan. Et d'ailleurs, nous sommes ici sur les berges installées et cet enregistrement aura lieu en live. Et de ce fait, eh bien, ne nous laissons pas surprendre par les bruits parasites. Tout à fait. Bonjour Marion. Bonjour Claude. Marion, tu es une artiste peintre et j'aimerais que tu me parles de ton parcours et de ta formation artistique. Alors, je ne sais pas si je dois commencer à la date de ma naissance ou si quand même je... Non, ce que je veux dire par là, c'est que sans doute que le métier de peintre est en lien avec tout le vécu depuis le début de la naissance. Et en même temps, je vais commencer au moment où j'ai fait cette première école de préparation, l'atelier May de Penningen à Paris. Après j'ai donc fait 2 années de fac d'art plastique. Et puis ensuite, je suis rentrée... Toujours à Paris ? Non, à Rennes, puisque c'est là que j'ai grandi. D'accord. Voilà, je suis bretonne. Et donc ensuite, je suis retournée à Paris, à rue d'Ulm, à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Et j'y ai fait ces 4 années, à l'époque c'était 4 années d'études. Et je suis sortie diplômée en dessin textile. Voilà, donc c'était une qualification, je dirais, une expérience... artistique qui me sied complètement à l'époque, au sens où j'étais très très attirée par le textile. Et je suis sortie de l'école en ayant pourtant conscience que j'avais pas beaucoup de goût à l'idée de travailler ni dans la mode ni dans l'industrie. Et j'ai eu une grande chance, vraiment. Il m'a été proposé de faire un stage dans un premier temps à l'Opéra de Paris. Et donc j'ai à quel opéra ? Garnier ou... Alors en fait, c'était donc à l'atelier d'éco-costumes et tous les costumes étaient réalisés à Bastille, même ceux de Garnier. Voilà, donc j'ai donc été accueillie suite à ce stage, qui était un stage où j'ai réalisé des robes pour l'opéra Platé de Jean-Philippe Rameau. Et donc, j'ai mis le pied dans un monde que je ne connaissais pas bien et qui m'a vraiment émerveillée, qui m'a enchantée. J'ai découvert le chant lyrique aussi. Et j'ai donc fait quelques années en tant qu'intermittente du spectacle, donc avec mes compétences en tant que dessinatrice textile. Et je crois que c'est vraiment le champ dans lequel je pouvais exercer ce métier-là parce que... Et pourtant, il est très restreint, en fait. Il y a éventuellement le cinéma qui propose ce genre d'expérience, mais voilà. Donc, en tout cas, j'étais vraiment très, très nourrie. Et ensuite, je suis partie vivre en Bretagne. Je suis revenue en Bretagne. À Vannes, dans le Morbihan. Tout à fait. Mmh. Et donc, à partir de ce moment-là, je n'ai pas souhaité continuer mon activité d'intermittente parce que, pour plein de raisons, donc j'ai cherché à déployer ça autrement, enfin l'activité artistique autrement ici. Et comme j'avais aussi entre-temps fait une mission d'enseignement en Namibie, au centre franco-namibien. Oui, c'était très très intéressant. J'étais allée remplacer une professeure de création textile qui partait en formation en Afrique de l'Ouest, je ne sais plus. Et donc je suis venue avec certaines techniques que j'avais explorées, découvertes et qu'on m'avait enseignées donc, aux arts décoratifs. Et Il s'est trouvé que cette expérience a été très très forte parce que je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas grand intérêt à plaquer les techniques que j'avais apprises Mais à Paris. Alors attends, parce que je ne comprends pas bien. Donc tu arrives avec ton expérience textile en Namibie, mais dans quel cadre, pour quoi faire quoi, Alors, à l'université, je ne l'ai peut-être pas dit. Ah, à l'université. Donc, voilà, oui, tout à fait. C'était effectivement un remplacement d'une, voilà, d'une enseignante. Et c'était pour les premières, deuxième et troisième années de création textile. Voilà. Et donc, bon, évidemment, le contexte est complètement autre. C'est vrai que je m'attendais aussi à une certaine culture du textile. Et en fait, en Namibie, il n'y en a pas. Donc, bon, voilà. Pourtant, les Africains, en matière de textile... Oui, mais pas en Namibie. Pas en Namibie. Non, justement, il n'y a pas de chance. Voilà, en tout cas, c'est un pays... Bon, je ne sais pas si on a vraiment le temps de déployer ça. C'était vraiment une expérience humaine, professionnelle, même spirituelle, très, très intéressante. Et en même temps, très difficile, parce que c'était 10 ans après l'apartheid, et il y avait encore des formes, je dirais, bien présentes dans voilà, des formes de ségrégation, de disparités économiques énormes. Voilà. Bon. La vie était difficile. Alors, pas pour tout le monde, oui. Voilà. Ah oui. Effectivement, moi, j'ai trouvé que le terrain était encore très empreint de toute la période de guerre pour l'indépendance et qui a généré beaucoup de violences, de crimes et qui n'avait pas été travaillé, je dirais, comme l'Afrique du Sud a pu le faire avec la commission, je crois, sur la vérité, réconciliation et vérité. Voilà. Donc en tout cas, j'ai trouvé ça difficile. À ce niveau-là et en même temps donc au niveau, en tout cas au niveau professionnel et au niveau textile, eh bien j'ai très vite proposé aux responsables de la section de prendre un chemin de traverse et de pas du tout proposer les cours habituels, mais plutôt de proposer une approche différente. Voilà, puisque j'étais là, c'était l'occasion d'explorer autre chose. Et donc j'ai acheté beaucoup de matières brutes, de tissus très simples, et j'ai proposé aux élèves d'explorer plutôt leur créativité, plutôt que de faire d'eux enfin en tout cas de leur transmettre quelques techniques qu'ils allaient peut-être avoir quelques difficultés à explorer vraiment tel que j'avais compris le contexte de la création textile. Bon, il y avait quelques industries textiles qui commençaient à s'implanter là-bas, et je crois que c'était pour ça aussi qu'on les formait. Mais moi, il me semblait que, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que ma ligne depuis toujours, ça a été le déploiement de la créativité chez l'individu. Et j'ai animé dès la fin de mon expérience, alors que j'étais encore à Paris, j'ai formé le personnel soignant dans une école qui proposait des approches artistiques pour que le personnel soignant puisse proposer dans différents types d'établissements des pratiques artistiques aux patients. Et donc voilà, c'était vraiment, je fais le lien avec cette expérience-là, parce que dès ce moment-là, et ça c'était vraiment juste après la fin de mes études, je n'avais pas beaucoup de goût à transmettre des techniques. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était de faire en sorte que les gens perçoivent, sentent et explorent combien la créativité était quelque chose de précieux pour pas simplement l'artiste et pas simplement celui qui veut créer, mais pour tous les individus, et notamment, je pense, pour ceux qui sont en difficulté à un moment de leur vie. Je pense que c'est un espace de ressources énorme et de déploiement de l'être, en fait, quoi, et de connexion avec notre nature profonde de créateur, d'être créateur et d'être libre. D'être libre de créer et d'être vraiment à partir de notre essence, en fait. Voilà. Et je pense que dans le champ de la créativité, ou des pratiques qui touchent à la créativité, à l'expression de la créativité, voilà, on vient contacter cette dimension de l'être. D'accord. Et alors, ton parcours qui a vu naissance, ton parcours artistique qui a vu une première naissance en Namibie, tu reviens en France et qu'est-ce qui se passe là après? Alors donc, voilà, c'est donc quand je suis arrivée en Bretagne, la question s'est posée de quoi faire à Vannes. Et j'ai commencé à proposer des ateliers d'art plastique ou de pratiques artistiques, plutôt de pratiques de dessin et de peinture principalement, mais très vite il y a eu d'autres approches ou d'autres champs artistiques qui se sont mêlés à des enfants. Voilà, et j'ai été accueillie dans certaines écoles par des directeurs d'école qui, notamment un qui était vraiment conscient de ce que la pratique de l'art venait stimuler chez l'enfant. Et donc, voilà, moi, on s'est bien rencontrés. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Ça a été voilà, une façon de redémarrer une activité artistique. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à créer des morceaux de nuit. Donc je suis devenue plasticienne textile, c'est le terme que j'utilisais pour décrire mon... Qu'est-ce que c'est qu'un morceau de nuit ? Un morceau de nuit. Alors, je travaillais donc avec le textile que je déformais, que je teignais, sur lequel j'imprimais et que je contrecollais. Avec des techniques qui étaient issues de ce que j'avais appris aux arts décoratifs, mais quand même très simple dans un atelier avec un atelier de sérigraphie. Et donc je faisais des formes qui étaient plein de tissus contrecollés les uns contre les autres. Donc il y avait des jeux de transparence, de déstructuration, et puis des espèces de trames métalliques qui me permettaient de les mettre en mouvement. Et tous ces tissus. Et ces formes, parce que ça devenait des volumes en fait, prenaient place dans des installations qui racontaient, tous ces morceaux racontaient le parcours d'une chercheuse qui parcourait la planète pour attraper ou récolter des morceaux de nuit et qui les exposait, voilà. D'accord. Et qui voulait découvrir cet univers nocturne. D'accord. Voilà, donc j'aimais beaucoup cette espèce de fable qui mettait tout de suite le pied dans le monde onirique. J'ai beaucoup aimé travailler le textile sous cette forme. J'ai ensuite fait. J'ai eu un premier enfant. Une fille, et j'ai construit une maison en paille, et ensuite j'ai eu un deuxième enfant, et pendant toute cette période-là, l'activité artistique a été un peu compliquée, parce que j'ai eu des problèmes de santé suite aux grossesses. Et donc, pas énormes, mais qui ont ralenti un petit peu l'expression artistique, et en tout cas sous la forme qu'elle avait à ce moment-là. Et voilà, ça s'est éteint. Et donc j'anime toujours, et à l'époque j'animais un atelier qui s'appelait, parce qu'il a changé de nom, qui s'appelait l'atelier de recherche. Donc ça c'était aux ateliers artistiques de la ville de Vannes, qui maintenant sont jumelés avec le conservatoire. Enfin jumelés, c'est pas vraiment le terme d'ailleurs, qui sont rattachés au conservatoire. Et donc, dans le cadre de cet atelier, j'avais des élèves que j'accompagnais, qui avaient un travail de recherche artistique personnelle, et il y a une femme qui un jour ne savait pas trop où elle allait, ou peut-être plusieurs, et je lui ai proposé l'encre de Chine. Ah, et là, Chine. Voilà, et là commence l'histoire dans laquelle je suis encore aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai fait des recherches de mon côté pour aussi lui proposer des techniques mixtes et puis différentes approches. Et là, j'ai eu une révélation, appelons ça tel que je l'ai ressenti à l'époque. Alors, tu vas nous raconter cette aventure de peinture à l'encre de Chine et nous dire quels sont les éléments marquants qui t'ont amené à cette discipline. Comment on arrive à l'encre de Chine? Justement, voilà, ce que je te disais, c'est que c'est arrivé presque par hasard. Mais moi, je ne crois pas au hasard. Cela dit, je vais utiliser ce mot-là avec un sens bien particulier. Certains disent que c'est la bille que Dieu prend pour passer incognito. Voilà. Donc en tout cas, à ce moment-là, il y a eu cette... je ne sais pas ce que... Alors, il se trouve qu'en amont, quand même, quand je faisais mes études, j'ai été très, très touchée par la pratique de la photo en noir et blanc et de la gravure, aussi largement en noir et blanc. Donc, aux Arts Déco, j'avais beaucoup déployé ces... Enfin, la gravure un peu moins. La photo, j'étais vraiment, bien engagée. Je travaillais à l'argentique. C'était vraiment une pratique qui était courante. Et puis tu faisais du développement. Oui. Alors aux Arts Déco, hein, pas après. D'accord. Non. Okay. Voilà. En tout cas, l'univers du noir et blanc est quelque chose qui m'a beaucoup parlé à ce moment-là. Oui. Voilà. Et pour autant, c'est vrai que je faisais des morceaux de nuit, mais qui étaient quand même légèrement colorés. Et tout ce que je faisais, sinon au niveau du textile, c'était très coloré. Et je suis dans un univers assez coloré. Et pendant mes études, j'ai utilisé l'encre de Chine d'une manière spécifique. J'utilisais directement la pipette et de façon, c'est-à-dire que j'utilisais de l'encre pure, sans eau. Je prenais la pipette et je dessinais directement comme ça. Donc il y avait aussi quelque chose de très spontané, très intuitif, qui ne permettait pas vraiment la retouche et le repentir. Mais ça te permettait de laisser la place à l'imprévu, ça te permettait... Voilà, de, déjà, c'était le rêve tout à fait. Commence à germer. Là, C'est ça, tout à fait. C'est ça, il y avait des prémices à ce moment-là déjà. Et je vois que quand j'ai découvert... Tu n'utilisais pas de pinceau. Non, à l'époque, non. Enfin, j'ai dû l'utiliser dans le cadre d'exercices bien spécifiques qui m'étaient demandés. Je me rappelle d'ailleurs de... Naturellement, tu étais avec tes pipettes à arroser ton... Voilà, noir. Hein. C'était déjà noir. Voilà. Donc, c'était très, très graphique, en fait. Hein. Mm-hmm. C'était pas de la peinture, c'était le trait. Et j'ai gardé quelques dessins. Je faisais des nus comme ça. En tout cas, j'avais eu cette première rencontre, ou en tout cas, cette rencontre avec l'encre. Mais très peu encre et eau. Et là, alors, c'est tout un autre, une autre poésie, un autre champ qui s'ouvre. Et aussi, ce que je voulais nommer, c'est que quand j'ai découvert l'encre de Chine, j'ai senti une liberté du fait de pouvoir créer dans l'instant. D'être vraiment dans l'instant, là où la photo, la gravure, la sérigraphie sont des pratiques qui nécessitent une certaine forme d'élaboration, de temporalité qui s'étire beaucoup plus, puisque d'abord on prépare soit les plaques, on fait les photos, on développe ensuite, etc. Bon. Et pour la sérigraphie, beaucoup aussi. Voilà, donc quand j'ai découvert l'encre, je vois que c'est vraiment venu répondre à ce besoin-là que je commençais à sentir aussi, que le dispositif technique était un peu trop lourd pour ce qui était de travailler le textile tel que je le faisais à ce moment-là. Et en fait, je crois que j'ai... Alors, quels sont les autres... Mais il me semble avoir vu sur ton site que tu as été faire un petit tour en Chine. Ah oui, mais bien après. Ah, c'est bien après. Oui, d'accord. Il y a 4-5 ans, j'ai fait une résidence, effectivement, avec, avec 20 artistes, si je ne dis pas de bêtises, à Tucheng, donc dans le Guizhou. J'espérais fortement rencontrer des maîtres et soit être initiée, ou en tout cas, goûter un peu à l'art de la peinture chinoise. Ça n'a pas du tout été le cas, si ce n'est qu'on a quand même visité quelques musées, on a évidemment vu des merveilles. C'était pas du tout comme ça que c'était pensé par les organisateurs. Donc, je suis surprise, en tout cas, encore aujourd'hui, par quelque chose, c'est que quand j'ai commencé l'encre, j'ai eu l'impression d'une familiarité avec ce matériau, alors que je l'avais finalement quasi pas pratiqué, notamment avec l'eau. Et c'était inné, en quelque sorte. Hein, tu sentais... L'inné, ça, c'est une sacrée question, l'inné. Je crois qu'il y a beaucoup de facettes ou de choses. En tout cas, ce que je dis régulièrement, en même temps, un peu avec le sourire aux lèvres, mais j'y crois profondément, c'est que Je pense que j'ai dû être un peintre chinois, peut-être même taoïste, il y a bien longtemps. Dans une première vie. Voilà, parce que je vois une telle... En fait, la façon dont j'ai enseigné l'art, ou en tout cas la façon dont j'ai... L'espace que j'ai ouvert pour les explorations artistiques des élèves, entre guillemets, ou des participants, c'était vraiment avec des bases et une couleur que j'ai pu retrouver en lisant sur les peintres traditionnels chinois et toute l'approche taoïste de la peinture. Donc je me dis, mais comment ça se fait? J'avais rien lu à cette époque-là. Donc voilà, je suis un peu interpellée à ce niveau-là. Bon, je pense que... Voilà, on est aussi à une époque où beaucoup de choses, je dirais, remontent, des savoirs anciens, des pratiques anciennes. Quand on sait les faire remonter, quand on est disponible et à s'écouter soi-même, à regarder sa gestuelle, et là ça revient de façon quasi innée, comme je disais tout voilà, à l'heure, mais il y a quelque chose d'intéressant. Ouais. Et alors, parle-moi un petit peu de cette rencontre quasi charnelle, quand je t'écoute, avec l'encre de Chine, et parle-moi un petit peu du rapport que tu entretiens avec ce matériau, parce que c'est particulier ça quand même, l'encre de Chine. Bah, en fait, je crois que je suis amoureuse de l'encre de Chine. C'est vraiment une histoire d'amour au sens où ce matériau et l'eau, parce que je ne ferais pas du tout, je ne ferais rien s'il n'y avait pas également l'eau. Et j'ai un rapport particulier à l'eau aussi. Ce matériau est un maître. Est un maître au sens où cette encre, en fait, elle m'a appris beaucoup. Elle m'a appris, peut-être qu'elle m'a appris à peindre, et en tout cas, elle m'apprend aussi à vivre. Comment cette encre peut apprendre à peindre? Alors, je crois qu'en fait, j'ai reçu un bagage, évidemment, qui s'inscrit dans une culture occidentale, voilà. Et qui est assez aujourd'hui, qui part dans plein de directions et qui ouvre toutes les portes. Hein. Donc évidemment que nous ne sommes pas étrangers en Occident à la pratique de la peinture spontanée, intuitive, inspirée, etc. Loin de là. Cela dit, je crois qu'en pratiquant l'encre, je me suis retrouver à explorer des choses que je n'avais pas vraiment explorées. J'avais pas exploré ça. Alors, pas dans le cadre des arts décoratifs, c'est une école d'art appliqué, mais pas non plus, dans mon souvenir, dans l'espace de la fac. Donc, ça a ouvert la porte d'un art qui se fait dans l'instant, d'un art qui est en connexion avec le corps, et ça en Occident on questionne pas du tout le corps, là où les Chinois et tout le monde asiatique a un lien vraiment ténu et charnel, précieux, voilà, avec le souffle, le corps, puisque c'est voilà. Bon, donc je vois que ça s'est aussi installé parallèlement à des expériences en danse qui se sont généralisées vraiment dans ma vie, et j'ai une pratique vraiment régulière, et je pense que tout ça a marché un peu main dans la main, hein, malgré tout. En tout cas, l'encre est venue me ouvrir des portes, c'est-à-dire que je crois que jusque-là, en tant que plasticienne, en tant qu'artiste, j'avais une certaine pratique qui était beaucoup plus dans le contrôle, qui avait quelque chose d'assez mental finalement. Et l'encre est venue ouvrir une autre porte, une porte beaucoup plus, sensible, où il n'y a plus de place pour le contrôle, il y a évidemment de la place pour la maîtrise, et c'est un matériau très exigeant qui n'est pas simple, bien qu'il Ils puissent l'être aussi tout de suite parce que ça fait des effets assez réjouissants facilement, donc on peut aussi s'en satisfaire, mais voilà. D'aller en profondeur dans toutes ces dimensions, c'est un travail, et c'est un travail que je trouve exigeant en termes de posture intérieure aussi. C'est-à-dire que ça m'a amené vraiment à questionner constamment ce lien étroit avec qui je suis en tant qu'artiste, mais aussi qu'est-ce que je vis au moment où je peins. Et aussi, qu'est-ce que je fais quand je peins. Voilà, parce que je ne fais pas que peindre, je fais des choses qui sont moins visibles peut-être aussi, voilà, on en parlera peut-être après. Donc voilà, je ne sais pas si j'arrive à définir clairement cet espace-là. En tout cas, j'ai eu l'impression de mettre le pied dans un espace beaucoup plus sensible, beaucoup plus en lien avec le mystère, avec le mystère de la création, avec le mystère de ce que c'est qu'être au monde aussi, vraiment. Et c'est vraiment l'encre qui m'a amenée à cet endroit-là. C'est-à-dire que là où je me disais « Ah, bah, je vais faire ça », elle me disait « Ah, non, tu voulais aller là, mais en fait, moi, c'est pas là que je t'invite à aller. » Et on peut toujours rester avec notre idée et forcer les choses, mais si je la suis, elle ouvre des portes constamment, en fait. Et voilà, il y a quelque chose... Tu vas de découverte en découverte à chacun de... Sur chacune de tes œuvres, il y a... tu peux expliquer un petit peu, d'abord techniquement, comment ça se passe, l'encre de Chine, elle est où, comment l'eau, ton papier, raconte un petit peu. La... Oui. Alors, oui, j'ai à cœur d'aller de découverte en découverte. Avec beaucoup d'humilité, je peux aussi dire qu'il y a des moments où je peux aussi me dire... Ah ben ça je connais et je vais prendre les chemins connus. Et ça c'est un enjeu pour tout créateur, je pense, parce qu'on est censé justement toujours débroussailler devant, quoi, pour marcher sur des terres nouvelles. Et donc le dispositif, alors, il a évolué depuis le début, évidemment. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est un peu installé. Dans un premier temps, j'ai utilisé d'autres matériaux. J'étais avec de l'acrylique et du vernis que j'utilisais en amont, avant d'utiliser l'encre. Et du coup, il y avait une palette d'effets un peu plus vaste. Voilà. Et puis, petit à petit, j'ai de moins en moins utilisé d'autres matériaux, si ce n'est quelques matériaux secs. En tout cas, pour ce qui est de la pratique vraiment de l'encre avec l'eau, aujourd'hui, je travaille dans des grands bacs d'eau, dans lesquels je plonge les papiers, ou alors donc c'est marrant parce que ce dispositif me renvoie très souvent soit au graveur, soit au photographe. Voilà, il y a un petit clin d'œil là. L'encre de Chine, elle est où à ce moment-là? Elle est dans l'eau? Alors non, c'est-à-dire que en fait, il n'y a pas une voie qui va se répéter de façon identique d'une fois à l'autre. C'est-à-dire que soit je commence à peindre et ensuite je mets le papier dans l'eau. D'accord. Et l'encre va être se diffuser et selon que je mets l'ensemble du papier ou pas, et il y a tout un jeu avec la façon dont l'encre va... D'abord, ça dépend vraiment du papier et de l'encre, parce que j'ai plusieurs encres et plusieurs papiers, donc il y a des effets à chaque fois très différents, donc je me fais surprendre à chaque fois, ça c'est sûr. Là, à cet endroit-là, je peux... Oui, il s'agit, bah, tu ne peux pas tout contrôler. Maîtriser, non, voilà. Et tout contrôler. Et c'est ça que j'aime, en fait. D'accord. Voilà. Ouais. Et donc, ça peut être aussi dans un autre sens, c'est-à-dire je mouille d'abord le papier partiellement ou totalement, et ensuite je viens peindre dessus à l'encre. Et bien souvent, j'utilise des éponges à nouveau pour venir ramener de l'eau, retirer, enlever, etc. Voilà. Et il y a un moment où j'arrête de toucher, puisque justement là, je les laisse danser ensemble. Infuser, ces deux-là. Voilà. Infuser. Et l'autre dispositif que j'utilise aussi de plus en plus, notamment pour les grands formats, c'est l'utilisation d'un jet d'eau, un jet de jardinage. Et j'utilise en fait la verticale. Je peins beaucoup avec la pesanteur. Je dirais que c'est ma troisième main, ou en tout cas qu'il est... voilà, cette force-là est vraiment dans la danse. Et donc, les papiers sont suspendus et je peins, je mouille avec le jet d'eau, ou alors je mouille d'abord et je peins ensuite. Je, voilà, j'asperge d'encre, j'asperge d'eau et je laisse beaucoup l'encre et l'eau faire leur... Un petit peu comme en aquarelle. Alors là, ça me semble en fait très, très éloigné. Parce que, bon, tu ne m'as pas vu dans ce dispositif-là, mais en fait, il y a quelque chose de... je touche parfois pas du tout la toile, c'est-à-dire que j'envoie de l'encre, enfin la toile, le papier. Donc, ce que je connais de l'aquarelle, c'est vraiment voilà, un travail... Oui, on est un peu plus dans la finesse. Voilà. D'accord, dans ok. Le dessin, le quelque dessin, chose tout de, à fait. Voilà. D'accord. Et là, il y a quelque chose de vraiment très gestuel, en fait, puisque... Puisque ben, je bouge beaucoup, hein. Déjà j'ai des échafaudages, des échelles pour aller jusqu'en haut du papier parce que voilà. C'est des grands rouleaux alors ? Alors je vais jusque 2,50 m là pour l'instant. D'accord. Le plus grand est à 2,50 m. Cet été j'ai fait une résidence en extérieur justement où j'ai voulu peindre avec le vent, la pluie, tout ça. Bon, c'était... C'était une aventure. Challenge. Oui, c'était très, très, très, très enrichissant. Bon, heureusement, enfin, c'était le sud, hein, j'ai un peu balisé le terrain pour qu'il n'y ait pas des pluies qui arrivent à n'importe quel moment. Cela dit, il y avait du vent et voilà, il y a eu une danse avec les éléments qui était très intéressante. Donc voilà, je monte et je descends et puis c'est très gestuel et ça. Et c'est très. Voilà. Les gouttes que je peux envoyer ou les traces et l'eau telle que je l'envoie, je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Parfois, j'ai une vague intention et il est vite, vite question de la lâcher puisque souvent, ça m'amène ailleurs. Oui, tu te laisses surprendre et puis voilà, ça vient. Et c'est ton regard qui va arrêter cet instant hein, voilà. De façon à faire remonter ça et à donner la pleine puissance de ton art. C'est ça. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles de ton projet « Mon cœur sauvage ». Ah oui. Ah oui. Alors ça, c'est un projet que j'ai commencé il y a 3 ans maintenant, quasiment. Qui est né d'un échange avec un ami photographe et vidéaste. Avec lequel j'ai commencé à travailler assez vite sur ce projet. Et puis, on s'est séparés et j'ai fait plusieurs autres résidences avec d'autres artistes. En fait, ça a été un moment où mon parcours de femme m'amenait à avoir envie de travailler cette matière, cet espace-là du féminin, cette matière du féminin et du sauvage, les deux ensemble et aussi séparément. Vas-y, je t'écoute. Je vois naître, quelque chose. Je vois à travers certaines de tes œuvres apparaître ce corps, donc voilà, on y est maintenant. Voilà, raconte-nous. C'est ça. Donc ce qui s'est passé, c'est parce que c'est ton corps dont tu parles. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est vrai que ça a été un pas de donc ce que je fais aujourd'hui, et je ne fais pas que ça. Il y a le projet Mon cœur sauvage, et puis il y a tout le reste de la peinture que je fais habituellement avec le pinceau et tel que je l'ai décrit juste avant. Donc aujourd'hui, je fais des expériences en nature. Voilà, en fait, il y a vraiment eu toute une période où j'ai eu besoin de retrouver la nature et la nature sauvage et de retrouver et de sentir ce qu'était la couleur du féminin. Évidemment, on ne peut pas parler du féminin sans parler du masculin parce que tout ça, c'est intimement lié, c'est une danse magnifique et quand je pointe mon regard sur le féminin, je ne veux en aucun cas exclure le masculin, que j'honore tout autant. Cela dit, le propos était quand même un peu plus tourné vers... voilà, moi je peux m'identifier comme étant quelqu'un d'assez yang finalement. Et je vois que Il y a un moment où j'ai eu besoin de retrouver cette féminité, de la sentir, de la déployer, de la... Voilà. Et aussi, j'avais un regard sur le monde qui m'amenait à percevoir combien le sauvage et le féminin étaient deux espaces de l'humain et du monde qui avaient été profondément rejetés, niés, abîmés, envahis, etc. Et je ne veux faire aucun procès, simplement j'ai vu que j'étais aussi en moi porteuse de ces espaces qui ont été tronqués en fait et dont on a profondément besoin à mon sens pour être les deux pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et donc les deux pieds sur terre, parce que c'est de cette connexion là dont il s'agit. Et quand je parle de sauvage en fait, c'est vraiment la connexion au flux de la vie qui traverse toute chose et qui au flux de la vie, c'est-à-dire à cette énergie de vie qui donne naissance à tout en fait, et qui, quand on la laisse nous traverser, peut donner le pire comme le meilleur, comme pour toute chose, et qui en tout cas, sans elle, je pense qu'on est amputé d'une dimension essentielle. Et voilà, donc j'étais en connexion avec ce que je pouvais percevoir dans le monde, parce que très touchée par ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie, voilà, qui est un terme qui nomme partiellement la réalité de notre lien à la nature et à la terre-mère. Et je voyais voilà, la déforestation, les arbres coupés partout ici, le monde moderne, le monde industriel occidental qui va grignoter tous les espaces sauvages. Et je pense que ce qui se passe dehors est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, et que dans le corps humain, dans nos vies d'humains, femmes et hommes, c'est exactement la même chose. Et donc j'ai eu besoin de moi aller retrouver ça en tant qu'être et d'en témoigner en tant que peintre, artiste. Et donc j'ai utilisé mon corps effectivement. Donc j'ai pu peindre avec le pinceau sur la feuille, j'ai mis de l'encre sur mon corps et j'ai fait des empreintes. J'oublie une chose importante, c'est qu'avant cette étape-là, il s'est agi de vivre une expérience en nature qui soit une rencontre avec l'herbe, l'arbre, le vent, la moins mentale possible, la moins contrôlée possible, à travers la danse, à travers le sentir en fait. J'ai beaucoup écouté et j'aime beaucoup l'approche de Louis Sansa, qui a développé cette voie du sentir et que je commence à appréhender mais du bout du doigt, que je trouve vraiment une belle proposition pour nous les êtres. Voilà, on vit beaucoup, beaucoup dans le mental et on a oublié le corps, en fait, je crois. Bon, c'est qui on ? Chacun a son histoire par rapport à ça, mais en tout cas, moi, je me reconnais là-dedans. Donc, tu as voulu reconjuguer ton corps avec la nature. C'est ça ? Oui, mon corps et donc mon âme. Et ton âme. Voilà. Et ton cœur, alors, ton cœur sauvage ? Ah, le cœur sauvage. Pourquoi j'ai appelé ça comme ça ? En fait, au départ, ce projet, il s'appelait Silva ou mon cœur sauvage. Silva étant la forêt et le sauvage, en fait, racine étymologique. Et je vois que il a changé de nom parce que je voulais pas que ce soit quelque chose de trop intellectuel et que mon cœur sauvage me semblait plus direct. Je dirais, enfin, en tout cas, ne faisait pas appel à un savoir pour appréhender ce terme, Silva. Donc, mon cœur sauvage, oui. Eh bien, je crois que c'est vraiment une façon de nommer... Enfin, il y a sûrement plein de choses qui m'échappent, hein. Je vais dire ce qui est là, mais à chaque fois qu'on met des mots, on touche que partiellement la réalité beaucoup plus vaste et mystérieuse de tous ces chemins-là. Et donc je pense que c'était un appel, je dirais ça comme ça, à ce que le sauvage, tel que je l'entendais tout à l'heure, à ce que l'énergie de la terre, la terre-mère, m'habite et me traverse jusqu'à venir embraser mon cœur. Et je fais le même appel au Père Ciel, au Père Céleste, voilà, avec sa lumière, et c'est une histoire de complémentarité, mais ce travail était un chemin plutôt de descente vers la terre, d'enracinement, de connexion avec ce féminin, le yin du monde. Et ta discipline artistique, alors, au milieu de tout ça, là, comment tu conjugues ça? Ben, en fait, c'est dans l'espace personnel que ça s'est questionné dans un premier temps, et je crois vraiment que il n'y a pas de frontière entre ces deux champs dans mon expérience, en tout cas dans mon chemin. Et comment je conjugue ça, je suis pas sûre de bien percevoir. Tu as un projet que tu as baptisé toi-même, Mon Cœur Sauvage. Oui. Lorsque je vais faire un petit tour sur ton site, parce que pour moi c'était une façon aussi de préparer notre entretien, je trouve des peintures qui s'appellent Mon Cœur Sauvage. Je ne me trompe pas. Bien. Donc, quel est le lien entre ce mariage de toi-même avec la nature et ta peinture ? Comment peux-tu conjuguer tout cela? Ah, c'est marrant, ce qui me vient là maintenant, et je ne sais pas si c'est une partie de la réponse, c'est que ce travail avec les empreintes, qui est même un travail ritualisé, et donc en connexion avec plutôt les énergies tellurique de la terre, vient rencontrer le travail que j'avais jusque-là, qui me semble beaucoup plus habité et beaucoup plus en lien avec les énergies cosmiques, de l'esprit et de la verticalité vers le haut, je dirais. Et donc, ça, c'est une réponse partielle. Je crois qu'il y a encore pas mal de mystères. Pour l'instant, ce sont deux champs qui se rencontrent, dans la mesure où, quand je dis que je travaille avec des empreintes, je les retravaille, ces empreintes, et elles sont fortement teintées, comme tu as pu le voir, de tout ce que je fais à côté. En fait, il y a la nature, en fait, les empreintes deviennent une base. Parce qu'en fait, oui, j'ai oublié de dire une chose qui m'est importante, donc je vais la nommer maintenant, c'est que quand je fais ces expériences sous forme de rituel dans la nature, je fais l'empreinte aussi avec la conscience ou la croyance que l'énergie que j'ai convoquée à ce moment-là va être présente dans l'œuvre. C'est-à-dire que c'est une empreinte avec une forme, certes, mais c'est surtout une empreinte vibratoire que j'ai envie de déposer sur le papier à ce moment-là. Tu es en position d'intercesseur, en fin de compte. Oui, bah, je pense que les artistes sont à cet endroit-là, tout D'accord. à fait. Voilà. Okay. Ouais. Parfait. Voilà. Que ce soit à partir des énergies du bas ou... D'ailleurs, il n'y a pas de distinction. Et comme tout ce qui est en bas est en haut, et réciproque. Marion, une dernière question. Qu'est-ce qu'être une artiste aujourd'hui? Bon, évidemment, je peux parler qu'à partir de mon expérience. Qu'est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que c'est pour moi qu'être une artiste aujourd'hui? Alors déjà, c'est une grande joie. Et c'est aussi... je dirais presque... que ça implique certaines obligations. C'est peut-être pas vraiment à cet endroit-là. Mais disons que j'ai la croyance, comme tu disais, que l'artiste est un intercesseur entre le monde visible et invisible, et qu'il vient manifester dans la matière l'esprit, le monde invisible. Et donc ça demande, enfin ça implique une certaine exigence et donc je crois que être artiste, c'est montrer des choses qui ne sont pas encore. Et ça ne veut pas dire des formes nouvelles, mais quelles que soient les formes, c'est déposer les vibrations d'un monde qui n'est pas encore, et donc faire exister des choses qui ne sont pas encore. Et pour moi, ça implique une connexion assez intime et assez profonde. J'ai l'impression que c'est dans la connexion intime, à mon intime, que je vais pouvoir toucher cet autre bout du fil qui est l'universel, du fil qui est tendu entre l'intime et l'universel. Et que quand je descends dans cet intime-là, je perçois l'universel et que je pense que les humains ont besoin que cette matière-là soit présente et soit manifestée. Et je le dirais autrement, je crois que l'artiste, il est là pour manifester et pour rendre présente, visible, sensible, audible, la voix du mystère. Que le grand mystère qui est ni plus ni moins que la vie a tout un tas comment dire, que cet espace-là, en fait, moi, en fait, mon expérience, c'est que au quotidien, je cherche à le goûter en tant qu'humaine et en tant qu'artiste. Et je cherche comment percevoir ça, comment sentir cette autre réalité qui n'est pas perceptible forcément facilement avec, au quotidien, avec mes yeux, et que l'artiste est, selon l'espace dans lequel il choisit de se déployer, est amené à montrer. Voilà, donc quand je disais obligation, c'est pas le terme, c'est plus une certaine responsabilité plutôt, voilà, c'est ce terme-là. Et en même temps, je veux pas en faire un cheval de bataille, juste ça a du goût de m'inscrire dans cette dynamique-là et dans ce processus-là. Et je crois que quand le public est en lien avec une œuvre, ce qu'il perçoit, au-delà d'une forme qui va plaire, pas plaire, je crois que c'est même pas la question, c'est vraiment la vibration que l'artiste a pu capter au moment où il était dans cet espace de création. Et donc, c'est impossible à mettre en mots, d'une certaine manière. Donc c'est un partage vibratoire entre toi, l'artiste, et ton public ? Oui, je dirais. Via ce langage artistique, ces langages artistiques qui s'adressent au corps sensible, et ça j'ai vraiment envie de défendre ce point de vue-là, et non pas au corps mental, et on est quand même depuis quelques décennies dans une approche de l'art qui est largement mentale, notamment avec l'art conceptuel. Voilà. Et je crois qu'il est temps que le public soit invité, ou en tout cas reprenne sa, sa, son autonomie d'une certaine manière, de lecture et de liberté dans l'expérience de la rencontre avec l'œuvre d'art qui, à mon sens, ne peut pas passer par des textes écrits en amont qu'on viendrait lire pour comprendre une œuvre. Je crois qu'il n'y a aucun... vraiment, ça c'est quelque chose que je refuse assez catégoriquement, l'idée qu'il y aurait quelque chose à comprendre. J'entends beaucoup de gens me dire « non mais moi je ne connais rien à l'art, alors je me permets pas d'avoir ma propre lecture, etc. » Non, je ne crois pas. Je crois qu'en fait une œuvre, que ce soit une œuvre plastique ou un danseur, une œuvre musicale, voilà, c'est un langage artistique que je vais pouvoir percevoir via mes sens, et qu'à cet endroit-là, ça vient parler à quelque chose de totalement mystérieux, en fait. Dès qu'avec le langage mental, avec le langage, j'essaye de nommer ces choses-là, j'en touche un dixième, en fait. Le langage mental est intéressant à plein d'endroits, nous permet d'échanger, d'ailleurs c'est ce qu'on fait là. Par contre, on l'utilise à mauvais escient, je trouve, pour ce qui est de nommer les pratiques et les formes artistiques, en fait. Je trouve qu'on les tronque très souvent de leur force vitale et de son essence. C'est-à-dire que si l'art est perçu par le mental, alors il y a tout un champ que je vais peut-être moins écouter. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ce que je te racontais, dans le cadre de mes expositions et de mes vernissages, je demande souvent, quand on me dit « alors, qu'est-ce que vous voulez nous raconter par rapport à votre travail ?» Ben, moi, je dis « ouais, j'ai déjà raconté, hein, c'est sur le papier, donc qu'est-ce que vous avez envie de me dire ?» Et en fait, j'adore recevoir les lectures des gens qui sont souvent très riches et qui amènent à une vision spécifique et qui tissent à chaque fois une histoire bien, bien spécifique avec chaque œuvre. Voilà, je réponds de façon un petit peu vaste à ta question. Non, mais c'est bien de repositionner l'artiste dans son contexte et que cet artiste, eh bien, sache être à l'écoute de son public et permette par son travail vibratoire de faire vibrer son public qui va se marier intimement avec lui dans le monde de l'esprit. Voilà. Ça te va ? Tout à fait. Merci pour cette belle fin. Marion, eh bien écoute, je te propose que nous nous arrêtions là pour aujourd'hui. Tout au cours de cet entretien, tu as allumé chez moi plein de clignotants. Et je te propose qu'on laisse infuser de ton côté, du mien, et que l'on se retrouve pour une prochaine rencontre au cours de laquelle nous irons un petit peu plus loin dans le monde de l'esprit, dans le monde de la spiritualité, où l'artiste a beaucoup de choses à dire, et toi en particulier. Merci beaucoup. Marion Le Pennec, je te remercie. Merci.